Troisièmement, du meilleur état social. Il est scientifiquement démontré que 10 hommes travaillant et vivant ensemble, par le fait de l'association et de la division du travail, produisent plus et dépensent moins que 10 agissant individuellement. 100 dans les conditions des premiers valent mieux que 10 groupes de 10, 1000 mieux que 10 groupes de 100. Puisque cela est vrai, puisque, à moins d'être de mauvaise foi, personne ne peut le nier, cessons de nous épuiser à lutter les uns contre les autres et unissons-nous pour ne former qu'une seule association. C'est notre avantage à tous. Grâce au progrès incessant du machinisme ainsi qu'à l'utilisation des bras inoccupés, nous aurons une somme de bien-être supérieure à celle de la moyenne des bourgeois, en ne travaillant que 4 à 5 heures par jour. Il est même certain qu'à la suite de perfectionnement que l'on prévoit dans l'outillage industriel, la durée de ce travail sera réduite de moitié. C'est au moins 20 heures de repos ou de loisirs dont nous disposerons pour nos jouissances intellectuelles. Il faut donc à notre société individualiste substituer une société solidaire. En un mot, et c'est là la définition même du socialisme, il faut faire cesser la lutte pour la vie et organiser la ligue pour la vie.